Je vais vous expliquer quelque chose. L'homme, un jour, doit être suffisamment conscient, pour être capable de communiquer, pour être capable de recevoir de ses intelligences. L'homme, un jour, doit avoir un esprit suffisamment solide pour pouvoir recevoir de ses intelligences. Parce que l'homme, merci, parce que l'homme ne peut pas vivre de ses pensées. Ses pensées doivent être épurées. Lorsque je vous ai démontré que nous pensons que nous pensons, j'ai établi le premier mouvement pour la révolution sur le globe de la psychologie de l'homme. Et une fois que l'homme réalise ceci, déjà, il se renforcit. Une fois que l'homme réalise qu'il n'a pas besoin de constamment s'attacher à son moi pour être, il se renforcit. Et la force de l'homme de demain, elle est justement là. Elle est dans le fait que l'homme aura la capacité de ne pas s'attacher à son moi. Le moi est une construction de toute pièce qui ne vient pas des mondes de la lumière. De sorte que le moi de l'homme n'est pas l'homme. Votre moi n'est pas vous. Votre moi, c'est une construction qui vous empêche, vous, d'être vous. Alors, il est évident que dans votre vie, dans vos expériences, à tous les jours, votre moi doit être souffrant. Si votre moi n'est pas souffrant dans vos expériences de tous les jours, votre moi est encore trop puissant en vous. Votre moi doit être souffrant jusqu'à temps qu'il n'y ait plus en vous de souffrance parce qu'il y aura équilibre entre vous et eux. Et équilibre entre vous et eux, ça veut dire équilibre entre votre esprit et leur esprit. Ça veut dire équilibre entre votre réalité et leur réalité. Ça veut dire une plus grande fusion. Ça veut dire une plus grande intelligence. Ça veut dire une plus grande volonté. Ça veut dire une plus grande capacité d'aimer de plus en plus parfaitement, ainsi de suite. Alors, il est très normal qu'il y ait souffrance dans votre moi. Et sachez qu'ils se serviront de tout ce qui en vous peut créer une souffrance pour vous amener un jour à ne plus pouvoir souffrir. Mais nous avons tendance, les hommes, à rationaliser nos souffrances. Nous avons tendance à nous décourager. Nous avons tendance à gueuler contre eux. Et ça, c'est bon, je vous l'ai déjà expliqué, parce que déjà, ça fait partie d'une sorte d'intelligence qui nous amène une sorte de volonté. Mais ce que nous devons comprendre, c'est que nous ne pouvons pas nous permettre de nous décourager. Nous pouvons être découragés, mais nous ne pouvons pas nous permettre de nous décourager. Je répète, nous pouvons être découragés, mais nous ne pouvons pas nous permettre de nous décourager. Décourager, nous permettre d'être découragés, ça veut dire nous permettre d'être, de réaliser que nous sommes au fond, contre le mur. Mais nous ne pouvons pas nous permettre de nous décourager parce que nous réalisons qu'une semaine après, deux semaines après, trois semaines après, le mur s'élève, il s'enlève. Et regardez vos expériences, vous verrez que vous avez vécu le découragement et que quelques semaines après, ça s'est levé. Ça s'élèvera toujours. Votre souffrance ne sera jamais telle, quelque aiguë qu'elle soit. Quelque aiguë qu'elle soit, votre souffrance ne sera jamais terminale. Quelque aiguë qu'elle soit, votre souffrance ne sera jamais terminale, parce que votre souffrance est engendrée par l'énergie. Alors, dans un sens, nous sommes chanceux de la vivre, cette souffrance, parce que nous avons accès à l'énergie. D'un autre côté, nous sommes fatigués de la souffrir, cette souffrance, parce que nous voulons la paix. Alors nous revenons. Nous avons institué dans les corps de l'homme une programmation. C'est-à-dire que dans le mental de l'homme, nous avons institué, à cause de la nature de l'esprit et de ses lois, suffisamment de mémoire pour que l'homme n'oublie jamais son origine. Autrement dit, dans le mental de l'homme, il y a une mémoire cosmique et il y a une mémoire planétaire. Nous sommes en train d'élever dans l'homme sa mémoire cosmique. Tous les hommes possèdent deux mémoires, une mémoire planétaire et une mémoire cosmique ou universelle. Et lorsque les hommes auront été infusés suffisamment de notre énergie sur le plan de leur mémoire cosmique, ces hommes seront dans le savoir parfait. Et ces hommes n'auront plus besoin de leur mémoire planétaire parce que la mémoire planétaire vient après la mémoire cosmique. Et la mémoire cosmique, elle est totale. Elle est totale parce qu'elle n'est pas fondée sur l'expérience de l'humanité. Elle est fondée sur le savoir parfait des êtres qui ont créé l'humanité. Je ne dis pas les corps de l'humanité. Je parle de l'esprit de l'homme. Et comme nous avons créé l'esprit de l'homme et que nous connaissons parfaitement l'esprit de l'homme, nous nous sommes assurés au début, pendant la période saturnienne de votre évolution, que l'homme puisse ne jamais perdre contact avec son origine à travers cette mémoire cosmique qui est en lui. Mais cette mémoire est très faible parce que la mémoire planétaire devenait et devait servir l'homme pour son apprentissage dans la descente de la matière. Mais maintenant que nous avons l'intention d'élever l'homme à un statut universel, maintenant que nous avons l'intention d'arracher aux forces de domination leur pouvoir sur l'humanité, sur l'homme, nous allons redonner à l'homme la mémoire cosmique. C'est-à-dire que nous allons permettre que l'homme prenne conscience de son énergie vibratoire et qu'il prenne conscience du savoir vibratoire en lui. De sorte que nous avons créé, pour vous faire comprendre un peu le phénomène, une condition particulière chez l'homme. Et cette condition particulière que nous avons créée a été faite pour lui donner du courage pendant qu'il commence à avancer vers nous. L'homme doit avancer vers nous comme nous descendons en lui. Mais l'homme ne peut pas avancer vers nous si nous ne lui donnons pas une instruction. L'homme ne peut pas avancer vers nous si nous ne l'aidons pas à comprendre ce que nous sommes, si nous n'aidons pas à le comprendre. De sorte que nous devons expliquer l'homme à l'homme. Et c'est ce que nous avons commencé depuis quelque temps à faire. Nous avons déjà expliqué que la conscience sur la Terre, elle est expérimentale. C'est-à-dire qu'elle ne sert pas dans notre monde. Elle sert dans les mondes inférieurs. Et cette conscience expérimentale qui fait partie de la conscience de votre moi doit un jour être totalement neutralisée. Parce que nous ne pouvons pas nous servir de cette énergie, de cette expérience. Cette expérience a servi dans le passé pour l'involution, mais vous ne pouvez pas vous servir de votre expérience passée avec nous, puisque nous sommes et nous renfermons la totalité de l'expérience. Nous n'avons pas besoin de votre expérience. Nous avons besoin de vos principes. Nous avons besoin de votre mental, de votre émotionnel, de votre vital et de votre physique. Nous avons besoin de vous pour fusionner avec vous. Mais nous n'avons pas besoin de ce que vous pensez de la vie, parce que ce que vous pensez de la vie ne fait pas partie de la vie. De sorte que votre expérience, un jour, doit cesser, vous devez devenir des êtres qui ne peuvent plus vivre par expérience. Et vous deviendrez des êtres qui ne peuvent plus vivre par expérience lorsque vous aurez compris vibratoirement que vous êtes différent des hommes, que vous êtes différent dans le temps de l'homme, et que l'homme, avec le temps et les siècles, deviendra semblable à vous. Nous ne voulons pas vous donner l'impression que vous êtes des êtres spéciaux. Pour nous, les hommes ou les êtres spéciaux n'existent pas. Tous les hommes, pour nous, sont construits de la même façon, mais tous les hommes ont différentes expériences. Mais nous devons rattraper éventuellement tous les hommes. Mais à cause de l'évolution et à cause des temps de votre évolution, il y a des conditions que vous ne comprenez pas, mais qui font partie du fait que vous devez commencer dans ce siècle à comprendre les lois de l'homme et les mystères de l'homme, afin qu'un jour vous soyez dans le secret de l'homme. Vous ne pouvez plus vous permettre au stade de votre évolution de regarder dans le passé de votre expérience. D'un autre côté, vous devez avancer d'une façon extrêmement réglée. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas non plus vous permettre de spiritualiser les intentions que vous avez envers nous, parce que nous serons obligés de détruire cette spiritualité d'intention. Il ne s'agit pas pour vous de vous attacher à nous d'une façon émotive et mentale. Il s'agit pour vous de vivre notre énergie afin que nous puissions élever la vibration de vos corps subtils. Nous ne sommes pas intéressés à votre spiritualité. Nous ne sommes pas intéressés aux sentiments spirituels que vous avez pour votre Dieu. Nous ne sommes pas intéressés aux attitudes spirituelles que vous avez envers vos saints. Nous ne sommes pas intéressés à quoi que ce soit qui fasse partie de votre expérience psychologique. Nous ne sommes pas intéressés à vous en tant qu'êtres qui ont été dominés par les formes de l'évolution.